Vieux souvenirs, les bébés. Voilez-vous de belles feuilles vertes, grands quinconces aux ombrages paisibles. Filez entre les branches, gai soleil. Et vous, promeneurs studieux, flâneurs contemplatifs, mamans aux fraîches toilettes, nourrices bavardes, enfants braillards, bébés affamés, prenez possession de votre royaume, ces longues allées vous appartiennent. C'est aujourd'hui dimanche, fête et joie. Le marchand de gaufres part sa boutique et rallume son réchaud. La nappe blanche s'étend sur la table et des montagnes de gâteaux dorés attirent le consommateur. La loueuse de chaises a revêtu son tablier et ses grandes poches aux sous. Le gardien, votre croque-mitaine, cher bébé chéri, a frisé sa moustache, fourbi son épée innocente et endossé son bel habit. Voyez comme le théâtre de Guignol est séduisant et reluit au soleil sous sa toile rayée. Dimanche le veut ainsi. Malheureux ceux auxquels ces grands arbres du Luxembourg ne rappellent pas un de ces souvenirs qui restent au cœur comme un vase son premier parfum. J'y fus général sous ces arbres, général empanaché comme un marchand d'eau de Cologne et armé jusqu'aux dents. J'y commandais entre la cabane des journaux et le kiosque du marchand de gaufres. Point de modestie, mon autorité s'étendait bel et bien jusqu'au bassin, quoique les grands cygnes blancs me fissent un peu peur. Embuscades derrière les troncs d'arbres, postes avancés derrière les nourrices, surprises, combats à l'arme blanche, combats à la hache, attaques de tirailleurs, poussières, luttes, carnage, et pas de sang répandu. Après quoi, la maman nous essuyait le front, relevait nos cheveux en désordre et nous arrachait à la bataille dont nous rêvions la nuit. Maintenant que je traverse ce jardin, cette armée de bébés et de nourrices, en m'appuyant sur ma canne et en tirant la jambe, comme je regrette mon chapeau de général, mon plumet en papier, mon sabre de bois et mon pistolet à ressort. Car mon pistolet partait, ce fut la cause de mon rapide avancement. « Et battez-vous, sainte marmaille !» Bavardez, nourrice rondelette, en gourmandant votre sapeur-pompier. Brodez tranquille, jeune mère, en vous moquant un peu des voisines. Et vous, flâneur réfléchi, contemplez un peu ce charmant tableau-là. Ce sont des bébés qui construisent un jardin. Jouez au sable, jeu vieux comme le monde, et toujours amusant. Les montagnes s'alignent, des petits brins de bois piqués sur la colline simulent à s'y méprendre d'adorables jardins anglais dans les allées duquel le bébé pose gravement ses petits petons incertains. Que ne donnerait-il pas, ce cher petit homme, pour compléter son œuvre en créant un bassin dans son parc? Un bassin, une rigole, trois gouttes d'eau. Plus loin, le sable est plus humide, et dans la montagne qui résiste, les petits doigts percent un tunnel. Travail de géant que la botte d'un passant va tout à l'heure anéantir, quel est le passant qui respecte la montagne du bébé? Aussi le gaillard s'en venge. Voyez plutôt ce monsieur en redingote marron qui lit gravement sur le banc la revue des deux mondes. Nos travailleurs ont accumulé autour de lui des amas de sable et de poussière. Les basques de son habit n'ont déjà plus de couleur. Mais laissons passer cet attelage qui traverse avec fracas. Quatre chevaux, deux ficelles et un cinquième cheval qui fait le cocher. Pas plus difficile que cela, et l'on se croit en chaise de poste. Que de pays l'on a vu le soir! Il y a des cochers qui préfèrent être cheval, des chevaux qui aiment mieux être cochers, premier symptôme d'ambition. Et le bébé solitaire, qui traîne lentement son omnibus autour du marchand de gaufres en lorgnant la boutique, consommateur infatigable, mais mauvaise paye. Apercevez-vous là-bas, sous les platanes, cet amas de nourrices, troupeaux de laitières bourguignonnes, et à leurs pieds vautrés sur un tapis tous ces petits philosophes aux fesses roses qui ne demandent au bon Dieu qu'un brin de soleil, du lolo pur et la paix pour être heureux. Souvent un accident trouble ce calme délicieux. La bourguignonne qui se méfie s'élance. Il est trop tard. On n'arrête pas le cours des fleuves, dit Giboyer. Quelquefois le désastre est plus grave. On le répare comme on peut, mais le philosophe qui aime ces désastres-là se révolte et braille en se jurant de recommencer. Ce petit monde est délicieux. On aime les enfants, mais cette affection pour l'espèce en général devient bien autrement douce lorsqu'il ne s'agit plus du bébé, mais bien de son bébé. Les célibataires peuvent ne pas lire ce qui suit. je désire causer en famille. Entre gens de métier, on se comprend mieux. Je suis père, chère madame, mais j'ai été papa, et comme toujours, papa d'un amour d'enfant. De son bonnet s'échappait une mèche blonde et frisée qui faisait notre bonheur, et quand je touchais du doigt son cou blanc, il éclatait de rire et me montrait ses petites perles blanches en me prenant la tête dans ses deux bras. Sa première dent fut un événement. On se mettait au jour pour mieux voir, et les grands-parents braquaient leurs binocles sur ce petit point blanc. Et moi, le cou tendu, je démontrais, j'expliquais, je prouvais. Et du coup, je courus à la cave chercher dans le bon coin une bouteille de choix. La dent de mon fils. On parla de sa carrière pendant le dîner, et au dessert, grand-maman chanta son couplet. Après cette dent, il en vint d'autres, et avec elle, les larmes et les douleurs. Mais aussi, lorsqu'il fut armé de toutes pièces, comme il mordait fièrement son morceau de pain, comme il attaquait vigoureusement sa côtelette pour faire « Tom papa !»« Tom papa !» Vous souvenez-vous combien ces deux mots réchauffent le cœur, et que de méfaits ils font pardonner ? Mon grand bonheur, est-ce aussi le vôtre, était d'assister au petit lever de mon chéri. Je savais son heure, j'écartais doucement les rideaux de son berceau et j'attendais en le regardant. Le plus souvent, je le trouvais étendu en diagonale, perdu dans le chaos des draps et des couvertures, les jambes en l'air, les bras croisés au-dessus de sa tête. Souvent, sa petite main potelée serrait encore le joujou qu'il avait endormi la veille, et de sa bouche entr'ouverte s'échappait le murmure régulier de sa douce respiration. La chaleur du dodo avait donné à ses joues les tons d'une pêche bien mûre, sa peau était tiède, et la transpiration de la nuit faisait briller son front de petites perles imperceptibles. Bientôt sa main faisait un mouvement, son pied repoussait la couverture, tout son corps se remuait, il se frottait un œil, étendait ses bras, puis son regard sous sa paupière à peine soulevée se fixait sur moi. Il me souriait en murmurant tout bas, si bas que je retenais ma respiration pour saisir toutes les nuances de sa petite musique. « Bonjour, petit P. »« Bonjour, mon petit homme. Tu as donc bien dormi ?» Nous nous tendions les bras et nous nous embrassions comme de vieux camarades. Alors la causerie commençait. Il causait comme les alouettes chantent au soleil du matin. C'était des histoires interminables. Il me racontait ses rêves en demandant après chaque phrase sa bonne petite panade avec beaucoup de beurre dedans. Et quand cette bonne panade arrivait fumante, quel éclat de rire, quelle joie, comme il s'élançait vers elle en se pendant à ses rideaux. Son œil brillait avec une larme au coin et le gazouillement recommençait. D'autres fois, il venait me surprendre dans mon lit, je faisais semblant de dormir et il me tirait la barbe en me criant dans l'oreille. Je feignais une grande frayeur et je jurais de me venger. De là, combat dans l'édredon, retranchement derrière l'oreiller, etc. En signe de victoire, je le chatouillais, alors il frissonnait en laissant échapper cet éclat de rire franc et involontaire des enfants heureux. Il enfouissait sa tête dans ses deux épaules comme une tortue qui se retire dans sa coque et me menaçait de son pied dodu et rose. La peau de son talon était si fine que la joue d'une jeune fille en eût été fière. De combien de baisers je couvrais ses chers petons quand, le soir, au coin du feu, je faisais chauffer sa longue chemise de nuit. On m'avait interdit de le déshabiller sous prétexte que je compliquais les nœuds au lieu de les défaire. Tout cela était charmant. Mais quand il fallait sévir et arrêter court la gaminerie qui allait trop loin, il baissait lentement les paupières, tandis que ses narines soulevées, ses petites lèvres tremblantes, il essayait de retenir sous ses grands cils une grosse larme brillante. Quel courage ne faut-il pas pour ne pas calmer par un baiser cet orage qui va éclater, pour ne pas consoler ce petit cœur qui se gonfle, pour ne pas sécher cette larme qui déborde et va devenir torrent. L'expression d'un enfant est alors si touchante. Il y a tant de douleur dans une larme chaude qui tombe lentement, tant de douleur dans ce petit visage qui se contracte, dans cette poitrine chérie qui se soulève. Tout cela est bien loin. Les années se sont écoulées sans parvenir à effacer ces souvenirs aimés, et maintenant que mon bébé a 30 ans et de grandes moustaches, lorsqu'il me tend sa large main en me disant de sa voix de basse « Bonjour, mon père ». Il me semble que l'écho me répète dans le lointain ces mots chéris d'autrefois « Bonzou, petit paix ». Les petites bottes. Le matin, quand je quittais ma chambre, j'apercevais soigneusement alignées devant la porte ses chaussures et les miennes. C'étaient de petites bottines lacées, un peu avachies et ternies par le rude usage auquel il les soumettait. La semelle était amincie à gauche et un petit trou menaçait à l'extrémité du pied droit. Les cordons, fatigués et lâches, pendaient à droite et à gauche. Au gonflement du cuir, on reconnaissait la place de ses doigts et de son pouce, et tous les mouvements accoutumés de son peton avaient laissé leurs traces par des plis insensibles ou profonds. Pourquoi ai-je retenu tout cela? Je ne sais en vérité, mais il me semble encore voir les bottes du cher petit posées là, sur le tapis, à côté des miennes, deux grains de sable près de deux pavés, un chardonneret en compagnie d'un éléphant. C'étaient ses bottes de tous les jours, ses camarades de jeu, celles avec lesquelles il entrait dans les montagnes de sable et explorait les flaques d'eau. Elle lui était dévouée et partageait si intimement son existence que quelque chose de lui-même se retrouvait en elle. Je les aurais reconnues entre mille. Elles avaient pour moi une physionomie particulière. Il me semblait qu'un lien invisible les rattachait à lui, et je ne pouvais regarder leur forme encore indécise, leur grâce comique et charmante, sans me rappeler leur petit maître et m'avouer qu'elle lui ressemblait. Tout ce qui touche au bébé devient un peu bébé aussi et prend cette expression de grâce maladroite et naïve qui leur est propre. À côté de ces petites bottes rieuses, gaies, de belle humeur, ne demandant qu'à courir les champs, mes chaussures paraissaient monstrueuses, lourdes, grossières, absurdes, avec leurs gros talons, à leur air pesant et désillusionné. On sentait que pour elles, la vie était grave, les courses longues et le fardeau à supporter tout à fait sérieux. Le contraste était saisissant et l'enseignement profond. Je m'approchais de ces petites bottines tout doucement pour ne point éveiller le petit homme qui dormait encore dans la pièce voisine. Je les tâtais, je les retournais, je les regardais de tous côtés et je me sentais gagné par un sourire délicieux. Jamais le vieux gant qui sentait la violette et qui traîna si longtemps dans le plus profond secret de mon tiroir ne me procura une aussi douce émotion. L'amour paternel n'est pas de l'amour pour rien. Il a ses folies, ses faiblesses, il est puéril ou sublime, il ne s'analyse pas ni ne s'explique, il se ressent et je m'y laissais aller délicieusement. Que le papa sans faiblesse me lance la première pierre, les mamans me vengeront. Songez que cette bottine lacée et percée du bout me rappelait son petit pied grassouillet, que mille souvenirs se rattachaient à ce peton chéri. Je me le figurais le cher enfant lorsque je lui coupais les ongles et qu'il se débattait en me tirant la barbe et en riant malgré lui car il était chatouilleux. Je me le figurais lorsque le soir, au coin d'un bon feu, je lui enlevais ses petits bas. Quelle fête ! Je disais « une, deux !» et lui, enveloppé dans sa grande chemise de nuit, les mains perdues dans ses manches trop longues, il attendait l'œil brillant, tout prêt à éclater de rire, le fameux « trois ». Enfin, après mille regards, mille petites taquineries qui excitaient son impatience et qui me permettaient de lui voler cinq ou six baisers, je disais « trois ». Le bas s'envolait au loin, alors c'était une joie folle. Il se renversait sur mon bras et ses jambes nues s'agitaient en l'air. De sa bouche grande ouverte, dans les profondeurs de laquelle on voyait les deux rangées de ses petites perles brillantes, s'échappait une cascade de bons rires sonores. Sa mère, qui riait aussi, lui disait au bout d'un instant « Voyons, bébé, voyons, mon petit ange, tu vas t'enrhumer. Mais retiens-le donc, veux-tu finir, petit démon ?» Elle voulait gronder, mais elle ne pouvait retrouver son sérieux à la vue de sa bonne grosse tête blonde, épanouie, colorée, heureuse, renversée sur mon genou. Ma femme me regardait et me disait « Il est insupportable, mon Dieu, quel enfant !» Mais je comprenais que cela voulait dire « Regarde comme il est beau, bien portant et heureux notre bambin, notre petit homme, notre fils, à nous deux !» Et dans le fait, il était adorable, du moins je le voyais ainsi. J'ai eu la sagesse, Je peux le dire maintenant que mes cheveux sont blancs, de ne pas laisser passer un seul de ces bons moments sans en jouir amplement. Et en vérité, j'ai bien fait. Pitié pour les pères qui ne savent point être papa le plus souvent possible, qui ne savent point se rouler sur le tapis, jouer au cheval, faire le gros loup, déshabiller leur bambin, imiter l'aboiement du chien et le rugissement du lion, mordre à pleines dents sans faire de mal, et se cacher derrière les fauteuils en se laissant voir. Pitié sincère pour ces infortunés. Ce ne sont pas seulement d'agréables enfantillages qu'ils négligent là. Ce sont de vrais plaisirs, de délicieuses jouissances. Ce sont les parcelles, les miettes de ce bonheur qu'on calomnie si fort, qu'on accuse de ne point exister, parce qu'on attend qu'il tombe du ciel tout d'une pièce, sous forme de lingot, alors qu'il est à nos pieds, réduit en poussière fine. Ramassons-en les menus fragments, et ne nous plaignons pas trop. Chaque jour amène son pain et sa ration de bonheur. Marchons lentement et regardons à nos pieds, fouillons autour de nous, cherchons dans les petits coins. C'est là que la Providence fait ses cachettes. J'ai toujours ri des gens qui traversent la vie bride abattue, les narines dilatées, les yeux inquiets et le regard à l'horizon. Il semble que le présent leur brûle les pieds, et quand on leur dit « Mais arrêtez-vous donc un instant, mettez pied à terre, prenez un verre de ce bon vin doré, causons un peu, rions un instant, embrassons votre enfant. » « Impossible, vous répondent-ils, on m'attend là-bas, là-bas je causerai, là-bas je boirai un vin délicieux. » Là-bas, je me livrerai à la tendresse paternelle. Là-bas, je serai heureux. Là-bas. Et quand ils sont arrivés, là-bas, haletants, brisés, qu'ils réclament en criant le prix de leur fatigue, le présent, qui rit sous ses lunettes, leur dit « Monsieur, la caisse est fermée. » L'avenir promet. C'est le présent qui paye. Il faut être en bonne intelligence avec celui qui tient les clés de la caisse. Pourquoi s'imaginer qu'on est dupe de la Providence? Croyez-vous qu'elle ait le loisir, cette bonne Providence, de servir à chacun de vous un bonheur complet, tout découpé sur un plat d'or, et de nous faire de la musique pendant le repas par-dessus le marché? C'est pourtant ce que beaucoup de gens voudraient. Il faut être raisonnable, retrousser nos manches, nous occuper nous-mêmes de notre cuisine, et ne point exiger que le ciel se dérange pour écumer notre pot-au-feu. Je pensais à tout cela le soir, lorsque mon bébé était dans mes bras, que son haleine humide et régulière m'effleurait la main. Je pensais au bon moment que le petit homme m'avait déjà procuré, et je lui en étais reconnaissant. « Comme c'est simple, me disais-je, d'être heureux, et la singulière manie d'aller en Chine pour se distraire. » Ma femme était de mon avis, et nous restions de longues heures à tisonner tout en causant sur ce que nous éprouvions. « Toi, vois-tu, mon ami, tu l'aimes autrement que moi, » me disait-elle souvent. Les papas calculent plus. Leur affection est comme un échange. Ils n'aiment bien leur enfant que le jour où leur amour-propre d'auteur est flatté. Il y a du propriétaire dans le papa. Vous pouvez analyser l'amour paternel, en découvrir les causes, dire « j'aime mon enfant parce qu'il est de telle ou telle façon ». Pour la maman, cette analyse est impossible. Elle n'aime pas son enfant parce qu'il est beau ou laid, intelligent ou absurde, qu'il lui ressemble ou ne lui ressemble pas, qu'il a ses goûts et ses gestes ou ne les a pas. Elle l'aime parce qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est une nécessité. L'amour maternel est un sentiment inné chez la femme. L'amour paternel est chez l'homme le résultat des circonstances. Chez elle, c'est un instinct. Chez lui, c'est un calcul dont il n'a pas conscience. Il est vrai, mais enfin, c'est le résultat de plusieurs autres sentiments. « C'est très bien, ne te gêne pas, lui disais-je. Nous n'avons ni cœur, ni entrailles, nous sommes d'affreux sauvages. C'est monstrueux, ce que tu dis là. » Et j'agitais les pincettes avec violence en dérangeant les bûches. Cependant, ma femme avait raison. Je me l'avouais à moi-même. Quand un enfant vient au monde, l'affection de la mère n'est pas comparable à celle du papa. Chez elle, c'est déjà de l'amour. Il semble qu'elle le connaît de longue date, son beau chéri. À son premier cri, on dirait qu'elle le reconnaît. Elle semble dire « c'est lui ». Elle le prend sans embarras, ses gestes sont faciles, elle n'éprouve aucune gêne. et dans ses deux bras enlacés, le bébé trouve une place à sa mesure et s'endort heureux dans ce nid fait pour lui. On dirait que la femme a fait un mystérieux apprentissage de la maternité. L'homme, au contraire, à la naissance d'un enfant, éprouve un grand trouble. Le premier vagissement du petit être l'émeut, mais il y a dans cette émotion plus d'étonnement que d'amour. Son affection n'est point encore née. Son cœur a besoin de réfléchir et de s'habituer à ces tendresses nouvelles pour lui. Il y a un surnumérariat, un apprentissage au métier de papa. Il n'y en a pas à celui de maman. Si le père est moralement maladroit pour aimer son nouveau-né, il faut avouer qu'il l'est aussi physiquement pour lui manifester sa tendresse. Ce n'est qu'en tremblant, avec mille contorsions, mille efforts, qu'il soulève ce mince fardeau. Il a peur de briser le marmot qui en a conscience et qui braille à plein poumon. Il déploie plus de force, le pauvre homme, pour soulever son enfant qu'il n'en faudrait pour enfoncer une porte. S'il l'embrasse, sa barbe le pique. S'il le touche, ses gros doigts font un malheur. Il a l'air d'un ours qui enfile une aiguille. Et cependant, il faut la gagner, l'affection de ce pauvre père, qui n'a d'abord que des mésaventures. Il faut le séduire, l'enchaîner, lui faire prendre goût au métier, et ne pas faire durer trop longtemps son rôle de conscrit. La nature y a pourvu, et le papa passe définitivement caporal le jour où le bébé balbutie ses premières syllabes. Il faut dire qu'il est bien doux, ce premier bégaiement de l'enfant, et qu'il est admirablement choisi pour émouvoir ce « pas, pas » que le petit être murmure d'abord. Est-ce étrange que le premier mot de l'homme exprime précisément le sentiment le plus profond et le plus tendre de tous ? N'est-il pas touchant de voir ce petit être trouver à lui tout seul le mot qui doit attendrir sûrement celui dont il a le plus besoin ? Le mot qui veut dire « Je suis à toi, aime-moi, fais-moi une place dans ton cœur, ouvre-moi tes bras, tu vois, je n'en sais pas encore bien long, je débarque, mais déjà, je pense à toi, je suis de la famille, je mangerai à ta table et je porterai ton nom. Pas, pas, pas, pas. » Il a trouvé d'un coup la plus délicate des flatteries, la plus douce des tendresses. Il entre dans le monde par un coup de maître. Ah, l'amour chéri, pas, pas, pas, pas. J'entends encore sa petite voix hésitante. Je vois encore ses deux lèvres vermeilles se lever et s'abaisser. Nous étions tous en cercle autour de lui, agenouillés pour être à sa hauteur. On lui disait « Répète encore, petit homme, répète encore. Où est-il donc ton papa ?» Et lui, que tout ce monde égayait, me tendait les bras en tournant les yeux vers moi. Je l'embrassai bien fort et je sentis que deux grosses larmes m'empêchaient de parler. À partir de ce moment, je fus un papa sérieux. J'étais baptisée.